On pense à toi, le gros. Une main sur un souvenir que je laisse pas pourrir. Mais courir au fond de moi, c'est rouler négatif. Que dans le temps était positif, actif. Voyant le passé, représentatif. Le fleuve n'est pour moi qu'une place où ces bateaux peuvent naviguer comme les souvenirs d'une veuve. Maintenant tout a changé, c'est une épreuve. Actuellement, je prétends que Saint-Laurent rendu mon eau bénite. Quand le corps de mon frère se hit dans le fond, c'est une crise de shit au fond. Haut du pont, fond sur ma tâchoire, impuissant, te laisser voler comme une oie. Je me noie dans mes larmes quand t'as fait un trou dans mon cœur. Jamais senti. Retentisse la lame pour garder la tête haute devant sa chambre. La tristesse soufflant aussi souvent que le vent. Je te vends mon âme si tu la veux, même si je ne suis pas vieux. Quand tu voudras, tu m'apporteras te rejoindre aux cieux. Pour l'instant, je vais fermer les yeux. Je t'en supplie, veille sur moi pour que je demeure heureux. C'est que tu le fais, c'est que tu devais aussi nous prévenir de ton décès. Déception j'ai eu quand j'ai appris que t'avais déserté. Immédiatement j'ai su que ce n'était pas un mété. Écœuré, j'ai pleuré, apeuré. Du jour à la porte j'ai lancé une rose. Avec la tête haute, j'ose chanter sur ta cause. En ta mémoire je fais un peace vers le ciel. Et je nous visionne sur une pause. Et je nous visionne sur une pause. Aujourd'hui je pars devant ma feuille. J'écris en me disant qu'il faut que je fasse mon deuil. Désormais l'espoir les bras ouverts m'accueille. Faut monter le chemin, tendre la main. Chaque minime bout de chagrin. C'est sur des larmes on a versé. Nos cœurs sont percés par la douleur de perdre un frère. Le silence tu l'as approfondi. Laissez loin derrière. Cadeau que je prie maintenant. Je te consacre mes prières. Faut croire que c'est toi qui avais le pouvoir. Je sais qu'on va se revoir. Je me soulage en laissant fossiliser dans ma mémoire ton visage, ton comportement sage. J'espère t'es bien là-haut. Cadeau je te dis adieu. Je suis sûr qu'au paradis tu es radieux.